J'ai même un peu abrégé, je vous avouerai. J'ai pris cette liberté. J'espère que... Bien évidemment. Je refais pas le coup à chaque fois. Quand même. L'autobiographie, c'est ma spécialité. J'avais fait ma thèse sur les journaux d'écrivains, en fait, sur les écrivains qui tiennent un journal. Voilà. Il est aussi essayiste, il est critique littéraire. Oui, oui. Non. Oui, si, si. Enfin, vous me dites, hein. De temps à autre, oui, ça me prend encore de temps en temps. Donc, ouais. Plusieurs livres, je ne qualifierais pas de fiction, ni d'essai, ce qui est assez intéressant en fait dans son travail littéraire, travail d'écriture. Vous partez souvent de faits réels en fait, avec une, on va dire une méthode, un peu à la Pérec, l'influence. Ah oui. Qui permet d'avoir un univers à la fois clos et ouvert, paradoxalement. C'est ce qui me plaît beaucoup dans vos écrits. Parce qu'on parle de... Alors, il y a par exemple un des premiers écrits qui est sur le 10e arrondissement. Oui, mon premier livre, oui. Premier livre. Enfin, mon deuxième. Enfin, de cette façon. Oui, oui, oui. Et là, on part dans le 10e arrondissement, mais dans tous les sens, etc. Il y a le dernier publié intérieur où on déambule dans les 50 mètres carrés de votre appartement, de l'appartement du narrateur. Oui, oui, de mon appartement. Oui, c'est une description de l'endroit dans lequel je vis. Oui. Qui est, entre guillemets, prétexte en fait, à une réflexion sur énormément de choses, l'intérieur, l'extérieur, l'apparence des choses. Enfin, voilà, c'est extrêmement, comment dire, c'est extrêmement passionnant. C'est, non, je dis, ils ont l'habitude, de toute façon, j'utilise les choses que je pense. Je trouve ça très passionnant, je trouve ça, pour le travail littéraire lui-même, puisque vous ouvrez des genres comme ça, et pour le lecteur, en fait, ça, on est un peu baladé, et puis finalement, ça ouvre plein de perspectives et plein de chemins différents. Et c'est très intéressant. Et pour un lecteur, on se laisse vraiment entraîner, pour ma part. Vous irez voir si vous ne l'avez pas encore lu. Et il y a donc entre les deux, il y a L'homme qui a tué Roland Barthes. Qui tua Roland Barthes, oui. Pardon. Je tiens en passer simple. Pardon. Qui est un recueil de nouvelles. Et là, merci de remettre en avant le genre de la nouvelle, qui est un genre malheureusement... à mon avis, est trop peu lu en France, que je mets toujours sur les tables à aller voir. Vous aviez raison. Oui, parce que c'est... C'est quand même paradoxal, c'est court. On dit toujours que les gens n'aiment pas lire. Ouais. Genre, on leur dit, mais vous pouvez lire ça, ça fait 15 pages, c'est magnifique. Et, ah oui, ah bon. Oui. Non, et puis c'est souvent une porte d'entrée, en fait, dans l'univers d'un écrivain. Et, et là encore, pour ce livre-là, en fait, c'est une réflexion sur victime-bourreau, sur... la vie, la mort, mais on part toujours de faits réels qui sont après fictionnés. Oui. Et là encore, c'est extrêmement passionnant. Voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus? Écoutez, je vous remercie de cette présentation. Donc Thomas Clerc va nous parler aussi d'un très très grand auteur qui, à mon avis, n'est pas assez lu. Et j'étais très contente que vous me le proposiez. Donc c'est Huysmans. Dont vous avez sûrement entendu parler, que vous avez peut-être lu il y a très longtemps. Je vous invite moi je me suis replongée dedans et je vous invite à le faire parce que c'est quand même assez extraordinaire. Et puis avec en plus la présentation de Thomas Clerc, ça va être super passionnant. Et je l'espère. Je vous remercie en tout cas, ça me fait très plaisir d'être ici. On est obligé de faire un jeu de mots à chaque fois qu'on entre, j'imagine, dans votre ville. Je suis très content d'être ici, donc à ici, selon Alors, je vais donc, Isabelle Orlando vous a présenté un petit peu mon travail. Je suis donc écrivain, j'ai beaucoup d'activités parce que je suis effectivement également, je travaille également à la radio, je suis également chroniqueur à France Inter et je suis également, je fais de la performance également, c'est-à-dire une espèce d'activité plus ou moins théâtrale. Bon. Mais enfin, je tiens évidemment avant tout à me définir comme écrivain, car toutes mes autres activités, que ce soit la chronique d'ailleurs ou la performance, ce sont des activités qui pour moi sont des activités littéraires en fait, hein, ce sont des activités de prolongement littéraire, dans la mesure où une chronique, par exemple, ça s'écrit, enfin, je veille toujours très soigneusement à écrire mes chroniques, et également à les dire, je dirais, au sens où la littérature est aussi une question d'oralité, enfin, ça me semble... Évidemment, on a toujours tendance à penser que la littérature, c'est seulement du texte, mais c'est aussi, comme vous le savez, bien sûr, de la parole. Et c'est la raison pour laquelle, hein, j'ai des activités qui sont liées à la littérature, mais j'aime beaucoup, par exemple, lire mes textes en public, ce n'est pas ce que je vais faire du tout ce soir, mais j'ai un certain plaisir à lire les textes qui passent à l'oral. Tous les textes ne passent évidemment pas à l'oral. Donc voilà, c'est un peu juste pour repréciser certains points. Et donc, j'ai écrit 4 livres jusqu'à présent, mais les 3 principaux, dirons-nous, sont ceux que vous avez rappelés, hein, le 10e arrondissement, qui est une première étape dans mon travail. J'ai le souhait de faire une description intégrale de Paris. Alors, c'est un peu... surdimensionné comme projet, mais j'ai déjà fait un volume, au moins j'ai fait le 10e arrondissement, qui est l'arrondissement dans lequel je vis. Donc, bon, il ne m'en reste plus que 19, enfin, à moins que tout ça soit redécoupé, parce que vous savez bien que les édiles passent leur temps à redécouper toutes sortes de choses, les régions, les administrations, etc. Mais enfin, alors si je fais ça, je le fais pourquoi ? Parce que, tout simplement, d'abord, parce que je suis parisien, je suis un vrai parisien, impur, donc il y en a encore, et donc j'aime ma ville, et par conséquent, j'y ai toujours vécu d'ailleurs, je n'ai jamais quitté Paris, sauf pour de brefs séjours évidemment, mais voilà, donc j'ai un plaisir assez classique de la flânerie, et le 10e arrondissement est donc une description de toutes les rues de mon quartier, mais évidemment vue par, de manière très subjective, hein. Ce n'est pas un livre d'histoire évidemment, mais c'est une sorte de promenade subjective dans ce Paris qui est le mien. Et le vôtre aussi, enfin, au sens où nous sommes tous évidemment liés à notre ville, je prends au sens large. L'autre grande description que j'ai faite, c'est mon dernier livre qui s'appelle Intérieur, donc, et qui est la description d'un territoire beaucoup plus restreint, puisqu'il s'agit de mon modeste 2 pièces qui se situe à Strasbourg-Saint-Denis, quartier dans lequel j'habite. Mais le livre est quand même aussi gros, voire plus gros que le 10e arrondissement. Car bien que j'habite dans 50 mètres carrés, je me suis aperçu que quand on commençait à décrire de façon assez précise l'endroit dans lequel on vit, eh bien, il y a une énormité de détails, finalement. Hein, ne serait-ce que quand vous commencez à décrire vos assiettes ou un certain nombre de choses comme ça. Bon, alors ça peut paraître un petit peu méticuleux. Enfin, en tout cas, si j'ai écrit ce livre, j'ai éprouvé un grand plaisir à l'écrire. Ça a quand même pris 3 ans. Alors qu'encore une fois, que la surface de mon appartement est inversement proportionnelle, finalement, on pourrait dire, au temps passé. Mais enfin, bon. Si je l'ai fait, c'est tout simplement parce que j'ai eu le désir de le faire. C'est un très vieux fantasme. Et je vais passer, bien sûr, tout à l'heure, enfin, dans un instant, à Huysmans, parce que c'est un écrivain qui m'a influencé, on pourrait dire. Et j'avais toujours été surpris que personne dans la littérature, dans l'histoire littéraire, ne fasse cela. Or, il me semble que le fait d'être chez soi, tout simplement, est une expérience très banale, très quotidienne, et finalement, globalement, assez agréable, je dirais. Bon, sauf pour les gens qui ont le malheur de vivre dans des endroits épouvantables. Mais enfin, comme tel n'est pas notre cas, je le suppose, j'ai toujours été étonné, finalement, qu'aucun écrivain ne cherche à décrire précisément l'endroit dans lequel il vit. Bien sûr, cela... c'est déjà fait, mais sous forme de fiction. Et c'est pour ça que vous avez eu raison de dire que l'intérieur n'est pas exactement une fiction, puisqu'il s'agit bien tout simplement de mon appartement, dont j'ai fait une exploration aussi systématique que méticuleuse. Hein, j'ai toujours, au fond, voulu... ce que je veux écrire en tant qu'écrivain, c'est des choses qui manquent, en quelque sorte. Vous voyez ? Ce qui m'intéresse, c'est d'écrire des livres qui n'ont pas déjà été écrits. Alors, bien sûr, et finalement, quand on regarde dans l'histoire de la littérature, vous avez bien sûr des descriptions d'appartements, chez Balzac, par exemple, ou dans d'autres, chez d'autres auteurs, mais ce sont des fictions. C'est-à-dire que Balzac place ses personnages, et puis il décrit telle ou telle maison, la pension Vauquer dans Père Goriot, enfin bref, tout un... ou bien Georges Perec, auquel vous avez fait allusion, Georges Perec, qui est effectivement l'une de mes influences majeures aussi, qui avait décrit dans La vie mode d'emploi un appartement, mais c'est encore une fois un appartement fictionnel, ce n'est pas l'appartement de Georges Perec. Ou bien dans Les choses, il a décrit l'appartement de Jérôme et Sylvie, ces deux personnages, même si évidemment son appartement, cet appartement ressemble beaucoup à l'endroit dans lequel vivait Perec. Mais enfin, c'est quand même très différent. Hein, c'est quand même très différent. Il se trouve par un hasard objectif extraordinaire qui fait que je suis un être prédestiné, que j'ai vécu dans l'appartement de Georges Perec. Bon, enfin non, pas dans l'appartement, dans l'immeuble, pardon. Excusez-moi, je fétichise un peu trop. Bon, c'est-à-dire que quand j'ai déménagé plusieurs reprises en tant que Parisien, ça m'est arrivé évidemment, et je suis arrivé à l'âge de 15 ans, rue de Quatrefages, qui est l'immeuble dans lequel vivait, vécu Georges Perec, mais je suis arrivé, Perec avait déjà déménagé en quelque sorte, donc il était toujours dans le quartier, c'était en 1980, donc j'étais un jeune homme, et je ne savais pas bien qui était Perec à l'époque, bon je... Et puis, donc voilà, une espèce de hasard objectif que je trouve assez beau, c'est que j'ai vécu voilà, 15 ans dans un immeuble dans lequel a vécu Georges Perec et dans lequel il a écrit les choses, surtout son premier roman en 1965. Bon, alors, je crois beaucoup à ces espèces de coïncidences d'ailleurs. J'ai un goût pour la coïncidence qui doit être une sorte de trace un peu mystique, peut-être, je ne sais pas. Et puis donc, entre les deux, j'ai écrit ce recueil de nouvelles que vous avez mentionné, L'homme qui tua Roland Barthes, qui... Alors là, ce sont vraiment des nouvelles plus traditionnelles, en un sens, mais ce sont 18 nouvelles dont le titre commence toujours par L'homme qui tua, et derrière, il y a un nom propre de personnalité pour lesquelles j'ai une certaine admiration. Alors, vous avez hein, L'homme qui tua Roland Barthes, L'homme qui tua Pasolini, L'homme qui tua le président des États-Unis. Il s'agit de Lincoln, en fait, c'est une nouvelle sur l'assassinat de Lincoln, qui est un événement très important aux États-Unis, etc. Spielberg en avait tiré un film il y a quelques années, je ne sais pas si vous l'avez vu. Bon. Donc, L'homme qui tua un certain nombre de personnalités, ça peut être des personnalités connues, pas connues, des écrivains, pas forcément, enfin, toutes sortes de gens. Une toute petite nouvelle, par exemple, sur la journaliste russe dont la mort m'avait attristé, cette journaliste russe qui s'appelait Anna Politkovskaya. A été assassiné il y a quelques années, mais enfin, disons qu'une actualité assez contemporaine, ou bien au contraire des nouvelles plus anciennes, puisqu'il y en a une qui s'appelle L'homme qui tua Jésus, bon, etc. Bref, donc vous voyez une sorte de développement autour de ce thème de la mort violente, qui n'est pas un thème gratuit pour moi, puisque la dernière nouvelle s'intitule L'homme qui tua mon arrière-grand-père, et cette nouvelle retrace une histoire familiale, disons tragique, qui est l'assassinat de mon arrière-grand-père par sa femme, par son épouse, dans les années 1912, hein, donc il y a en gros un siècle, à Sèvres, pas si loin d'ici, si je puis dire, et dans une espèce de machination tout à fait incroyable, que j'ai découvert d'ailleurs progressivement dans mon histoire familiale et que j'ai éprouvé évidemment le besoin de raconter sous une forme assez brève, d'ailleurs, une nouvelle qui fait 10 pages, et qui essaye de retracer finalement cet événement familial majeur, bien qu'elle touche, bien que cette histoire ne me touche pas directement, au sens que je n'ai pas connu mon arrière-grand-père ni mon arrière-grand-mère, mais j'ai bien connu les protagonistes, si on peut dire, qui sont leurs enfants, mes grands-parents. J'ai très bien connu mes grands-parents, et qui m'ont raconté, enfin ils ne m'ont pas raconté, mais c'est mon père en fait qui m'a raconté cette histoire. En fait, vous savez, comme les histoires se transmettent parfois par saut de génération, enfin c'est toujours un truc assez intéressant à étudier tout ça. Bon, bref, je ne suis pas venu ici pour parler de moi, bien que c'est la chose que je sache le moins mal faire. Donc, et je suis venu à l'invitation de Isabella Orlando et de la bibliothèque d'ici, enfin la médiathèque d'ici, pardon, et bien pour parler d'un écrivain que j'aime et que j'apprécie, et qui est Yoris Karl Huysmans, écrivain français, écrivain qui est à cheval entre le 19e et le 20e siècle, hein, puisqu'il est né en 1848 et qu'il est mort en 1907. Donc c'est plutôt un écrivain fin 19e, en fait, au tournant de deux siècles. Et comme nous étions nous-mêmes au tournant de deux siècles, je pensais que, bon, enfin, ça c'était un peu anecdotique, mais peut-être pas finalement. Peut-être pas parce que justement, il est représentatif d'un esprit qu'on appelle l'esprit fin de siècle. Et je crois qu'il se passe toujours des trucs bizarres dans les fins de siècle ou dans les changements de siècle. Bon, et nous avons pu le constater d'une certaine manière. C'est toujours un peu des époques de troubles. Et j'allais dire Dieu sait, mais je ne crois pas en Dieu, je suis matérialiste, donc il faut que je dise Huysmans sait, peut-être. Huysmans sait que nous vivons une époque troublée. Bon. On aurait pu d'ailleurs, si on avait, il y avait une petite coïncidence de calendrier, car à quelques jours près, nous fêtions l'anniversaire de naissance de Huysmans, qui est le 5 février. Bon, enfin, tout ceci est très anecdotique, mais bon, pourquoi pas, après tout, c'est mon goût pour les coïncidences, comme je vous l'ai dit à l'instant. Mais nous n'avons pas calé ça de manière... je l'ai découvert après coup, en fait. Oui, c'est beaucoup plus beau quand les coïncidences, vous les découvrez après coup, je trouve. Bon, alors, qui est ce Huysmans? Peut-être vous l'avez déjà un petit peu lu, peut-être il est associé pour vous à des souvenirs, peut-être vous ne le connaissez pas du tout, je ne me rends pas compte, et vous me direz un petit peu, quand vous voudrez que j'arrête de parler, si, évidemment, vous voulez exprimer sur, disons, sur... vos souvenirs ou vos impressions sur cet écrivain français qui, évidemment, vous vous en doutez bien, n'est pas un écrivain de premier plan. Hein, c'est-à-dire, au fond, ce n'est pas Flaubert, ce n'est pas Balzac, ce ne sont pas les Goncourt. Mais j'ai d'abord toute une théorie sur la littérature, en ce qui me concerne, c'est que ce n'est pas forcément les écrivains de premier plan qui sont les plus intéressants. J'ai un goût pour les écrivains un peu secondaires. Un petit peu comme au cinéma, j'aime bien les seconds rôles, par exemple. Je trouve qu'ils sont porteurs d'une plus grande poésie. Vous pouvez prendre beaucoup d'œuvres, par exemple. Vous voyez bien que le second rôle est plus important que le premier. Si on prend Tintin, par exemple, c'est évident que le capitaine Haddock est plus intéressant que Tintin. C'est évident. C'est-à-dire que toute la poésie de Hergé, il l'a mise dans ce personnage, alors que Tintin est un personnage totalement neutre, totalement fade, qui est là pour faire avancer l'action. Et puis, bon, personnage asexué, sans aucune... C'est une sorte de gamin, quoi. Bon, bref. Bien. Donc, vous voyez, il faut toujours se méfier, finalement, de cette notion de premier plan, je dirais. Et je dirais que, d'un simple point de vue de la sociologie de la littérature, ce ne sont pas toujours les écrivains qui sont sur le devant de la scène qui sont les plus importants. Enfin, en tout cas, je ne le pense pas. Et d'une certaine manière, on peut dire que, bien sûr, la postérité est fluctuante. Hein, parfois, elle revalorise certains écrivains qui ont été un peu oubliés, et puis elle oublie complètement des écrivains qui ont été de premier plan. Et nous savons bien ça. Proust nous l'explique très bien dans le Contre Sainte-Beuve. Hein, il nous dit, au fond, c'est bizarre. Il y a des gens qui occupaient le devant de la scène médiatique et qui, une fois qu'ils sont morts, eh bien, ont complètement disparu. Bon. Alors, mais évidemment, ce n'est pas automatique non plus. Par exemple, Huysmans, c'est exactement un contemporain de Zola. Hein, il a exactement, en gros, il est né en 1848, Zola est né en 42 et est mort en 1906, en 1902, pardon, en 1902. Et Huysmans est mort en 1907, je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. Autrement dit, ils sont vraiment de la même génération, ils ont le même âge. Et bien sûr, vous connaissez tous Zola, mais ça n'aurait pas eu grand intérêt que je vous présente Zola, parce que Zola, on nous l'a déjà présenté à l'école, etc. etc. Bon, et puis j'aime bien Zola, mais enfin, je l'aime moins que Huysmans. Bon, mais c'est intéressant parce qu'ils ont été amis. Et donc, si vous voulez, vous voyez, pour situer le contexte, historique en tout cas, Huysmans et Zola sont des contemporains. Et ce qui est intéressant chez Huysmans, c'est finalement il y a trois hommes en lui. Il y a trois périodes chez Huysmans. Il y a une première période qui est justement la période naturaliste, c'est-à-dire la période où il est proche de Zola. Il écrit des bouquins qui sont un peu du sous-Zola, si vous voulez, hein, c'est-à-dire qui ont un côté très réaliste, avec un goût pour le réalisme un peu crapoteux, un peu crasseux. Hein, plus c'est sordide, plus il trouve ça bien, Huysmans. Il aime bien le côté sale des choses. Vous savez que le côté sale des choses a été reproché à Zola, hein, puisque l'Assommoir a fait scandale, etc. etc. Hein, mon Dieu, il nous parle du peuple, hein, qu'est-ce que c'est que tout ça, bon. Alors Huysmans, il a un côté, il est d'ailleurs exactement un disciple de Zola. Hein, vous savez que Zola avait toute une école autour de lui, l'école naturaliste, et Huysmans fait partie de cette bande à Zola, si on peut dire. Et il commence donc son œuvre en faisant un peu du... Bah, en écrivant des bouquins qui ne sont peut-être pas forcément ce que je... C'est pas la meilleure période de Huysmans, mais c'est quand même intéressant. Il a été formé à l'école du naturalisme et il écrit des bouquins qui ont des titres très naturalistes, justement, comme par exemple « Marthe, souvenir d'une fille ». Oui, c'est toujours centré sur un personnage. « Les sœurs Vatar », donc c'est une description assez... précise, de personnages bien ancrés dans la vie de la fin du 19e, ou bien « Avolo », un roman qui traite justement une sorte de la déchéance d'un personnage. Donc, il imite un petit peu Zola dans le sens où il est très précis, il adore les descriptions très précises de lieux, enfin tout ça c'est du, je dirais, c'est du naturalisme. J'en lis un petit extrait juste, hein. Je vous lis un petit extrait pour voir à quel point il a le goût de la description. Donc ça, c'est le premier Huysmans. Alors ça, c'est dans un roman qui s'appelle En rade. En rade. Et qui raconte l'histoire d'un homme, qui, c'est, donc, c'est son héros. Il a un héros récurrent, Huysmans, qui est Durtal. Et Durtal s'ennuie dans la vie. Et comme il s'ennuie, il décide d'aller à la campagne. Bon, pourquoi pas. Et c'est un roman qui ne raconte pas grand-chose, mais il tombe chez des cousins. Il y a des cousins à la campagne. Et ses cousins, fréquentent des paysans. Ça se passe du côté de... Je ne me souviens plus exactement, ça se passe dans la Champagne, quelque chose comme ça. Et à un moment donné, donc, il décrit le père Antoine et sa femme Norine, qui ne sont pas ses cousins, mais qui sont des paysans. Je vous lis un petit extrait. « Le père Antoine tira son couteau de sa poche, l'ouvrit et tailla des miches. C'était un tout petit vieillard, maigre comme un échalas, noueux comme un cep, boucané comme un vieux buis. La face ratatinée, vergée de fils roses sur les pommettes, était trouée de deux yeux glauques, flanquant un nez osseux, court, pincé, tordu à gauche, sous lequel s'ouvrait une large bouche hercée de dents aiguës très fraîches. Deux bouts de favoris, en pattes de lapin, descendaient de chaque côté des oreilles écartées du crâne. Partout sur la figure, au-dessus des lèvres, dans les salières des joues, dans les fosses du nez, sur les creux du col, des poils drus poussaient, fermes comme des poils de brosse, poivre et sel comme ses gros cheveux, qu'il rabattait avec les doigts sous sa casquette. Debout, il était un peu courbé, et de même que la plupart des paysans de Jutigny qui ont travaillé dans les tourbières, il avait des jambes de cavalier, évidées en cercle. Au premier abord, il semblait rétrignolé, chétif, mais à regarder l'arc tendu du buste, les bras musculeux, la tenaille tannée des doigts, l'on soupçonnait la force de ce criquet que les fardeaux les plus pesants ne pouvaient plier. » Bon, vous voyez qu'il y a une sorte d'hyper-description du personnage avec des mots tout à fait bien choisis et même qui excèdent nos compétences communes. J'ignore tout à fait ce que signifie l'adjectif « rétrignolé ». Il semblait rétrignolé. Bon, autrement dit, Huysmans, il aime bien, si vous voulez, en rajouter. Hein, il aime bien faire une description en technicolore, quoi. Hein, il a le côté un petit peu très méticuleux dans sa description. Et donc, il a toute une première période où il fait un petit peu, il fait un petit peu du Zola. Et cette première période va cesser parce que ça ne le satisfait pas. Ça ne le satisfait pas d'être un disciple. Et on peut le comprendre. On peut comprendre qu'un écrivain, finalement, cherche à créer son propre univers. Et il se sent esclave de Zola, qui d'abord est un très grand écrivain, évidemment. Et puis, il y a peut-être une raison un peu plus mesquine, mais que vous soupçonnez déjà, c'est que, bien sûr, Zola est une vedette. Et en un sens, Huysmans ne veut pas rester dans l'ombre de Zola. Bon, la postérité en a décidé autrement, c'est que, évidemment, Huysmans est beaucoup moins connu que Zola. Mais c'est assez intéressant. La raison, il veut s'affranchir finalement de son, pas vraiment son père, hein, parce qu'ils ont, ils ont 6 ans d'écart seulement. Donc, il veut s'affranchir de cet ami qui, comme vous le savez, est un écrivain également extrêmement populaire, hein, qui a beaucoup de succès, qui est un homme public, un personnage considérable. Et Huysmans finalement. Se sent mal dans la conception que Zola a du monde, qui lui semble être une conception trop carrée, trop simpliste. Et la deuxième étape de Huysmans s'ouvre ainsi, avec un livre tout à fait prodigieux, qui est un chef-d'œuvre de la littérature, qui est son chef-d'œuvre, qui est À rebours. Je ne sais pas si vous avez lu À rebours, mais bien sûr, si vous ne l'avez point lu, je ne saurais trop vous le conseiller. C'est un livre qui m'a marqué quand j'étais jeune, et quand je le relis de temps à autre, j'en relis quelques pages. C'est un livre proprement stupéfiant. Hein, c'est un livre culte, pourrait-on dire. C'est-à-dire un livre qui... donc, si on devait résumer Huysmans, finalement, on le résume souvent à ce À rebours, hein, qui, de par son titre, vous voyez déjà, nous indique qu'il va faire machine arrière, c'est-à-dire qu'il va abandonner le naturalisme pour... produire ce roman très étrange, unique dans l'histoire de la littérature, puisque c'est un roman déjà à personnage unique. Donc tout est centré sur un seul personnage, qui répond au nom de Des Esseintes. Jean Floresas des Essintes. Et ce personnage est une sorte de super névrosé qui décide de se retirer chez lui dans son pavillon de Fontenay et, en attendant la mort, il n'est pourtant pas forcément âgé, de se consacrer entièrement à la décoration de son pavillon. Bon. Et il a de l'argent, il a du goût, il est tout seul, il n'aime pas le monde, vous l'aurez compris, il se retire en quelque sorte. Et donc Huysmans, ici, va décrire un roman tout à fait incroyable d'un homme qui éprouve le besoin de se retirer du monde, mais de s'en retirer en faisant une espèce de, voilà, de décoration du mythe de la caverne, si on peut dire, presque platonicien. Vous voyez, il va décorer et donc tous les chapitres, il ne se passe rien dans ce livre. C'est un livre tout à fait incroyable, en gros. D'abord parce que c'est un personnage unique, donc il n'y a pas d'intrigue, puisqu'il n'est pas en contact avec les autres, ou très peu. Et finalement, chaque chapitre est consacré au goût, au fantasme et aux lubies de ce des Essintes, qui sont des lubies d'un cerveau complètement détraqué. Alors parfois, il fait venir des personnages de l'extérieur, de temps à autre. Hein, il y a un célèbre chapitre, par exemple, où à un moment donné, il en a un peu marre d'être chez lui, alors il se dit, tiens, je vais aller faire une visite à Londres. Et puis, donc il va rue de Rivoli pour prendre, enfin, il veut prendre le bus et puis il va pour aller à la gare Saint-Lazare. Et puis, il voit un pub dans la rue de Rivoli, puis il s'arrête dans le pub et il dit, finalement, autant aller dans un pub, puisque à Londres, il y aura des pubs, mais... donc, une espèce d'humour noir assez étrange, comme ça. Et au fond, il sort du pub, il se dit, bon, ben voilà, c'est pas la peine d'aller à Londres, de toute façon, il y aura les mêmes. Bon, donc une espèce d'humour comme ça, très grinçant. C'est un personnage, évidemment, très particulier. Alors, ce à rebours, ce des Essintes, il fait des choses tout à fait incroyables, relativement immorales d'ailleurs, de temps en temps. Et notamment, enfin, immoral, oui, si on veut, oui. C'est pas très bien ce que veut dire ce mot, mais enfin bon. Alors, par exemple, il trouve. Je vous lire un petit passage qui est le début du chapitre 4. Il a envie de décorer son appartement et il trouve qu'un bon moyen de décoration, c'est d'avoir recours aux animaux pour décorer son appartement. Et il y a un chapitre, bon, je vais vous lire une petite page. Vous allez voir tout de suite ce style extrêmement sophistiqué de Huysmans. Une voiture s'arrêta vers une fin d'après-midi devant la maison de Fontenay. Comme des Essintes ne recevaient aucune visite, comme le facteur ne se hasardait même pas dans ces parages inhabités, puisqu'il n'avait à lui remettre aucun journal, aucune revue, aucune lettre, les domestiques hésitèrent, se demandant s'il fallait ouvrir. Puis au carillon de la sonnette, lancé à toute volée contre le mur, ils se hasardèrent à tirer le Judas incisé dans la porte et ils aperçurent un monsieur dont toute la poitrine était couverte, du col au ventre, par un immense bouclier d'or. Ils avertirent leur maître, qui déjeunait. « Parfaitement, introduisez, » fit-il, car il se souvenait d'avoir autrefois donné, pour la livraison d'une commande, son adresse à un lapidaire. Le monsieur salua, déposa dans la salle à manger sur le parquet de pitch-pain son bouclier, qui oscilla, se soulevant un peu, allongeant une tête serpentine de tortue qui, soudain effarée, rentra sous sa carapace. Cette tortue était une fantaisie venue à des Essintes quelque temps avant son départ de Paris. Regardant un jour un tapis d'Orient à reflets et suivant les lueurs argentées qui couraient sur la trame de la laine, jaune aladin et violet prune, il s'était dit « Serait bon de placer sur le tapis quelque chose qui remua et dont le ton foncé aiguisa la vivacité de ses teintes. Possédé par cette idée, il avait vagué au hasard des rues, était arrivé au palais royal, et devant la vitrine de chevet s'était frappé le front. Une énorme tortue était là, dans un bassin. Il l'avait achetée. Puis, une fois abandonnée sur le tapis, il s'était assis devant elle, et il l'avait longuement contemplée, en clignant de l'œil. Décidément, la couleur tête de nègre, le ton de sienne crue de cette carapace, salissait les reflets du tapis sans les activer. Les lueurs dominantes de l'argent étincelaient maintenant à peine, rampant avec les tons froids du zinc écorché sur les bords de ce test dur et terne. Il se rongea les ongles, cherchant les moyens de concilier ses mésalliances, d'empêcher le divorce résolu de ses tons. Il découvrit enfin que sa première idée, consistant à vouloir attiser les feux de l'étoffe par le balancement d'un objet sombre mis dessus, était fausse. En somme, ce tapis était encore trop voyant, trop pétulant, trop neuf. Les couleurs ne s'étaient pas suffisamment émoussées et amoindries. Il s'agissait de renverser la proposition, d'amortir les tons, de les éteindre par le contraste d'un objet éclatant, écrasant tout autour de lui, jetant de la lumière d'or sur de l'argent pâle. Ainsi posée, la question devenait plus facile à résoudre. Il se détermina en conséquence à faire glacer d'or la cuirasse de sa tortue. Bon. Et il y a quelques pages là-dessus où il va vous expliquer, Wismans vous explique la manie de Des Esseintes, qui est que Des Esseintes va sculpter la carapace de cette pauvre tortue par des dizaines et des dizaines de pierreries qui vont satisfaire les goûts et les penchants esthétiques de ce fou de Des Esseintes. Et donc, vous voyez, tout le chapitre est simplement consacré à la décoration d'une tortue vivante. Bon. Et de chapitre en chapitre, vous voyez, chaque chapitre est consacré à ses goûts culinaires, à sa bibliothèque, à, bref, toute l'organisation de son petit monde intérieur dans lequel il se sent à la fois très bien et en même temps, évidemment, vous pensez bien, que sa névrose ne cesse de grandir au fur et à mesure du livre, c'est-à-dire que, évidemment, Des Esseintes est un personnage qui souffre complètement et qui cherche à alléger sa souffrance par une excentricité portée à l'extrême. Et c'est une très bonne idée de roman, je trouve. Je trouve que, si vous voulez, il y a une espèce de goût de l'excentrique chez Wismans, et ça donne finalement ce très beau livre qui est un livre qui est un peu le livre qu'avait rêvé Gustave Flaubert, en un sens, c'est un livre dans lequel il ne se passe rien du tout. C'est-à-dire, il n'y a pas d'intrigue, il y a une suite de lubies magnifiquement décrites, comme vous l'avez senti, de façon très, très précise, avec une langue tout à fait incroyable. Wismans a un goût pour la précision, pour le vocabulaire. Je vous ai parlé de rétrignoler tout à l'heure, mais il y a... En gros, quand on lit à rebours, il faut toujours avoir un ordinateur à côté de soi avec le dictionnaire, quoi, ou bien le Robert. Et encore dans le Robert, non, il vaut mieux le TLF, un dictionnaire vraiment où il y a beaucoup de choses, quoi. Il est très fréquent de trouver des mots dans à rebours qui ne figurent pas dans le dictionnaire. Wismans, avec une sorte de plaisir pervers, va vous montrer à quel point nous sommes incompétents en vocabulaire. Alors, je m'étais amusé à dresser une petite liste de quelques mots, par exemple, qu'on trouve dans l'œuvre de Wismans. Il y a des spécialistes qui se sont livrés à ce jeu, car Wismans, je crois que Wismans est l'écrivain français qui a le vocabulaire le plus riche, le plus étendu, très certainement. C'est-à-dire que pour lui, finalement, il veut faire scintiller la langue, un petit peu comme cette tortue qu'il décore. Il a vraiment ce goût. Il y a lui et Léon Blois, qui sont d'ailleurs des contemporains, qui sont vraiment des amoureux forcenés, finalement, des mots, dans toute leur splendeur. Et je crois que, de ce point de vue-là, ce sont des écrivains très forts, parce qu'ils considèrent qu'il y a une beauté du mot et qu'il y a une richesse dans l'extension maximale de la langue française. Au fond, c'est une sorte de chant d'amour à la langue française, mais total, au sens où, par exemple, donc je me base sur l'étude d'un stylisticien qui a relevé, son bouquin fait 300 pages, tous les mots rares qu'utilise Wismans. Je vous en livre quelques-uns, on va voir si vous les connaissez. Alors là, ce sont des adjectifs, oui, essentiellement des adjectifs. Responsoral. C'est un nom, là, non? Il y a une citation d'un roman de Wismans qui s'appelle L'Oblat. Un Pie V avait au moins rétabli l'antiphonaire et le responsoral de l'époque de Charlemagne. C'est en fait un livre qui renferme les réponses, c'est-à-dire les prières, en quelque sorte, mises sous forme de musique. Revival. Peut-être faut-il le lire à l'anglaise « revival », comme on parle d'un « revival », c'est-à-dire d'une remise à la mode, mais ce n'est pas certain. En Amérique, de temps à autre, des femmes paraissent qui soutiennent qu'elles sont le Messie et qui recrutent des adhérents parmi les illuminés des « revival » ou des « revival ». Il n'y a pas d'explication exactement. Sanctimonie, c'est l'équivalent de « sainteté ». Un homme qui devint par sa sanctimonie et par sa science fameux, Gérard Grotte. Scriptorium, salle où travaillaient les copistes dans les monastères. Bon, il y a un vocabulaire latin, effectivement, avec un vocabulaire religieux assez présent. Enfin, dans le scriptorium des cloîtres, il aime bien évidemment les mots latins aussi, par fidélité d'une certaine manière à la langue française. Spaciment, des promenades qui s'appellent en style cartusien. J'ignore ce que c'est que le style cartusien. Pardon ? Voilà, eh bien voilà, quelqu'un qui connaît beaucoup mieux que moi cet univers. Des spaciments, promenade des Chartreux. Exact, promenade des Chartreux. Des spaciments, c'est quand même un mot qui n'est pas fréquent. Stigmatifère, bon, qui porte des stigmates, ça on peut à peu près comprendre, mais enfin l'adjectif ne se rencontre pas sous le sabot d'un cheval, si je puis dire. Une super-essence, la synodite, ou le synodite, Défensorius synodite de l'IUG, moine qui vivait dans une communauté, un synodite. Turibule, des théories blanches et noires de moines évoluent dans les brumes azurées des turibules. Ah, il aime bien en rajouter hein, dans le côté les turibules. Alors, c'est un synonyme d'encensoir. Il exagère un peu là, parce que bon, encensoir, il va chercher un mot vraiment encore moins connu. Encensoir est connu, mais enfin, turibule, il y a évidemment une sorte de... Oui, j'ai l'impression que chez Huysmans, c'est une sorte d'humour, évidemment, dans le fait d'aller chercher le mot rare, en un sens pour nous impressionner, mais aussi pour nous amuser, enfin, etc., etc. Et puis le dernier mot, timiama. C'est une plante. Hein. Il eut pu expérimenter les arômes de l'église, l'encens, la myrrhe et cet étrange timiama que cite la Bible. Dans la Bible, il y a du timiama, etc. Bon, vous en avez des pages et des pages comme ça. Tout ça pour vous montrer finalement le côté, je dirais, terriblement sophistiqué de Huysmans. Vous voulez dire quelque chose ? Oui, c'est un gros travailleur, il lit énormément de livres sur, quand il s'intéresse à un sujet donné, et je n'ai pas encore parlé du troisième Huysmans qui le convertit. Huysmans, au fond, va se convertir et il va se passionner pour la vie religieuse, la vie monastique, devenant lui-même un oblat. Donc, se documentant énormément sur non seulement les pères de l'Église, mais aussi toute l'histoire, finalement, l'histoire sainte, etc. etc. Donc, c'est un homme qui travaille énormément. Attention, je parle ici non pas du tout en tant que spécialiste de Huysmans. Hein. Je dis que Huysmans m'intéresse, mais je ne suis pas du tout. Je n'ai pas de connaissances vraiment très précises. Hein. C'est plutôt quelque chose. C'est son univers qui m'intéresse. Donc, À rebours est un choc très très fort. C'est un livre qui n'est pas très bien accueilli, vous en doutez bien, par la critique. C'est un livre que tout le monde juge très bizarre. C'est d'ailleurs un livre objectivement très bizarre, et je l'aime pour cette bizarrerie même. Je disais tout à l'heure que c'est un livre qui m'avait influencé pour Intérieur, parce qu'effectivement, je n'ai aucun rapport avec des essaims, je vous rassure tout de suite, je ne ferai souffrir aucune tortue. Mais enfin, il est certain que l'idée d'espace clos est quelque chose qui peut, enfin qui m'intéresse, oui. Et notamment dans la question de la maison, du chez-soi. Qu'est-ce qu'on fait quand on est chez soi ? C'était le thème de l'intérieur. Et À rebours en est une version un peu parodique, un peu délirante, au fond. Je pense d'ailleurs à un film très beau que j'aime beaucoup, je ne sais pas si vous l'avez vu, avec Michel Piccoli, qui s'appelle Dillinger est mort, un film de 1968, un film très étrange de Marco Ferreri, qui est une sorte, qui est très proche d'À rebours. C'est un film très étrange, un film entièrement muet, où il y a du son pourtant, où Michel Piccoli joue le rôle d'un homme qui s'appelle Dillinger et qui est dans son appartement. Et qui erre dans son appartement. C'est un film stupéfiant qui est vraiment très proche d'À rebours. Bon, alors À rebours, ça va avoir une conséquence énorme, c'est que l'amitié de Huysmans et de Zola va s'en trouver très nettement dégradée. Jusqu'à présent, Zola et Huysmans étaient proches, mais voyant que Huysmans, finalement, produit son œuvre, et produit une œuvre forte et très différente du naturalisme, très différente du réalisme, eh bien, il y a une rupture entre les deux hommes, une rupture qui se fait sur le mode de la courtoisie, de la politesse, mais enfin, on sent qu'il y a une incompréhension assez forte, que Huysmans décrit dans la préface d'À rebours, qui est une préface qu'il a écrite 20 ans après la publication. À rebours date de 1884. Et il y a une préface très intéressante qui date de 1904, au moment où Huysmans s'est converti. Il revient sur À rebours et il dit au fond, c'était l'œuvre d'un homme qui cherchait quelque chose. Au fond, vous comprenez bien que Huysmans est quelqu'un qui cherche quelque chose. Et voici ce qu'il écrit dans la préface. « au moment de la peu après l'apparition d'Arebourg. Autrement sagace que les catholiques, Zola le sentit bien. Je me rappelle que j'allais passer, après l'apparition d'Arebourg, quelques jours à Médan, c'est-à-dire l'endroit où vit Zola, et dans sa maison. Et... Une après-midi que nous nous promenions tous les deux dans la campagne, il s'arrêta brusquement, et l'œil devenu noir, il me reprocha le livre, disant que je portais un coup terrible au naturalisme, que je faisais dévier l'école, que je brûlais d'ailleurs mes vaisseaux avec un pareil roman, car aucun genre de littérature n'était possible dans ce genre épuisé en un seul tome, et amicalement, car il était un très brave homme, il m'incita à rentrer dans la route frayée, à m'atteler à une étude de mœurs. Je l'écoutais, pensant qu'il avait tout à la fois et raison et tort, raison en m'accusant de saper le naturalisme et de me barrer tout chemin, tort en ce sens que le roman tel qu'il le concevait me semblait moribond, usé par l'érudite, sans intérêt, qu'il le voulût ou non, pour moi. Il y avait beaucoup de choses que Zola ne pouvait comprendre. D'abord ce besoin que j'éprouvais d'ouvrir les fenêtres, de fuir un milieu où j'étouffais. Puis le désir qui m'appréhendait de secouer les préjugés, de briser les limites du roman, d'y faire entrer l'art, la science, l'histoire, de ne plus se servir en un mot de cette forme que comme d'un cadre pour y insérer de plus sérieux travaux. Moi, c'était cela qui me frappait surtout à cette époque. Supprimer l'intrigue traditionnelle, voir même la passion, la femme, concentrer le pinceau de lumière sur un seul personnage, faire à tout prix du neuf. Zola ne répondait pas à ces arguments avec lesquels j'essayais de le convaincre, et il réitérait sans cesse son affirmation « Je n'admets pas que l'on change de manière et d'avis, je n'admets pas que l'on brûle ce que l'on a adoré. Bon. » Donc une sorte d'incompréhension entre les deux hommes, à cause d'Arebourg, qui est un roman antinaturaliste, qui est finalement un roman, je dirais, de l'artifice érigé en religion. Au fond, et ça va toucher beaucoup de gens à Rebours, ça va influencer énormément de gens, Mallarmé par exemple, ou Oscar Wilde, des gens pour lesquels l'artifice est un salut, finalement, est une manière de salut. Alors, c'est assez intéressant, un document également assez intéressant, c'est au moment de la sortie d'Arebourg, Huysmans et Zola ont une correspondance, et peut-être lire un petit extrait quand même de la réaction. Alors évidemment, ils s'envoient leurs livres respectifs, et à chaque fois que Zola envoie un livre à Huysmans, Huysmans lui fait un compte-rendu qui est généralement assez élogieux. Huysmans, c'est évidemment une sorte de complexe d'infériorité par rapport à Zola. Et bien sûr, Zola encourage Huysmans dans sa période naturaliste. Il l'encourage, mais vous voyez, avec cette relation un petit peu paternaliste quand même, qui consiste à dire, c'est bien, vous êtes un bon écrivain, mais il y a toujours une espèce de petit bémol, quoi, en quelque sorte. Bon, alors, voici la lettre que Zola écrit à Huysmans après qu'il a lu à Rebours en 1884. « Mon cher Huysmans, j'achève à Rebours et je veux tout de suite vous donner mes impressions sincères. » À mon avis, ça commence mal, car quand quelqu'un vous dit qu'il va vous parler sincèrement, c'est qu'il va, vous dire vos quatre vérités, quoi. Donc, il fait la critique d'Arebourg. Début très net et qui me plaît infiniment. Surtout les pages sur le château, sur les coins de la Voulzie, l'emménagement à Fontenay, très curieux. Les pages sur les couleurs, l'installation de la salle à manger avec l'aquarium, les voyages rapides faits en imagination aux heures des repas. Des trois chapitres espacés sur la littérature, c'est celui sur la décadence latine que je préfère. Il y a des pages superbes de grand style. Et vous avez tellement poussé à l'éloquence que certains alinéas tombent dans la déclamation. Un peu de confusion aussi. Pour la littérature religieuse contemporaine, je trouve que vous avez fait trop d'honneur à ces gaillards. J'excepte Barbey d'Aurevilly. Quant à nous autres, à la fin, nous sommes là un peu par complaisance de l'auteur, n'est-ce pas? Des Esseintes communient très drôlement en Mallarmé. Une curieuse définition de Baudelaire. La tortue, exquise, surtout avec sa branche de pierrerie, qui est d'un joli raffinement. Une préoccupation de bourgeois m'a travaillé. Il est heureux qu'elle crève, car elle aurait fait caca sur les tapis. Amusante imagination que l'orgue à liqueur, mais pas commode à comprendre comme installation matérielle. De belles pages de critiques artistiques sur les peintres aimés par des Esseintes. Personnellement, je n'ai que de la curiosité pour Gustave Moreau. Je ris encore de la bêtise de la dame qui voulait habiter sur une rotonde et de ce qu'il advint des meubles en rond. Je trouve plus laborieuse l'histoire d'Auguste Langlois, d'autant plus qu'elle n'aboutit pas. Mais les anciennes amours de des Esseintes me ravissent, les cuillères, la ventriloque, oh, surtout la ventriloque, un poème, sans dédaigner le petit jeune homme aux lèvres coupées d'une raie, ainsi qu'une cerise. Pages très colorées sur les plantes, bien qu'un peu confuses. Semé de quelques erreurs, je crois. J'aime mieux le morceau des parfums qui est absolument réussi, avec une certitude magistrale et une fantaisie lyrique. Comme chapitre complet, la merveille et le voyage à Londres. Il y a là une pluie battante extraordinaire. Vous avez le sens de la pluie. Beau, ça. J'en connaissais déjà une dans les sœurs Vatar qui me hantait. Enfin, les hosties falsifiées et les lavements nourrissants sont, dans la blague sérieusement faite, ciselés avec un soin d'artiste, tout ce que je connais de plus extraordinaire. Bon, vous voyez quand même, sur une trentaine de lignes, c'est quand même beau cette histoire d'hommage entre écrivains. Il y a quand même là... on sent une passion chez ces gens-là. Enfin, je veux dire, on sent qu'ils font leur boulot correctement, quoi. Ils lisent, c'est des vrais lecteurs, quoi. Vous imaginez, il y a des critiques littéraires aujourd'hui, bon, qui vous disent juste deux, trois choses. Bon. Il passe, il change de paragraphe, alinéa. Voulez-vous maintenant que je vous dise très franchement ce qui me gêne dans le livre? D'abord, je le répète, de la confusion. Peut-être est-ce mon tempérament de constructeur qui regimbe, mais il me déplaît que des Essaintes soient aussi fous au commencement qu'à la fin, qu'il n'y ait pas une progression quelconque, que les morceaux soient toujours amenés par une transition pénible d'auteur, que vous nous montriez enfin un peu la lanterne magique au hasard des vers. Est-ce la névrose de votre héros qui le jette dans cette vie exceptionnelle, ou est-ce cette vie exceptionnelle qui lui donne sa névrose? Il y a réciprocité, n'est-ce pas? Mais tout cela n'est pas nettement établi. Je crois que l'œuvre aurait été d'une portée plus foudroyante, surtout dans l'au-delà, si vous l'aviez assise sur plus de logique, toute folle qu'elle pouvait être. Autre remarque, pourquoi des Essaintes prend-il peur devant la maladie? Il n'est donc pas un Schopenhauerien pour redouter la mort? Le mieux pour lui serait de se laisser emporter par sa maladie d'estomac, puisque le monde ne lui paraît pas habitable. Votre dénouement, sa résignation à la bêtise de vivre, me le gâte un peu. Il eût été beau de le voir raffiné sur la mort, quitte à se laisser gâter, quitte à le laisser gâteux, si vous ne vouliez pas finir par l'intérêt bas d'une mort. Voilà, mon cher ami, toutes mes réserves, je n'ai pas voulu les cacher, car vous me connaissez assez pour vous douter. N'est-ce pas que le factice n'est guère mon affaire? Mais il y a heureusement autre chose chez vous, il y a une outrance d'art qui me ravit, il y a une originalité de sensations aiguës qui suffit à vous mettre à part, très haut. En somme, vous m'avez fait passer trois soirées très heureuses. Ce livre comptera au moins comme curiosité dans votre œuvre, et soyez très fiers de l'avoir fait. Que va-t-on en dire? Bon, s'il ne se taise pas, il pourrait très bien en mener un sabbat du diable ou le jeter à la tête à vous, à nous, comme la pourriture derrière de notre littérature. Il me semble que je sens des âneries dans l'air. Bon courage et bon succès, moi je travaille le plus tranquillement possible, etc. Bon, hein, elle est belle cette lettre hein, quand même, parce que on voit bien les deux tempéraments d'écrivains complètement différents quoi, hein. Zola c'est l'homme de la santé, hein. Il veut pas que ce soit trop artificiel, il faut construire, il faut une intrigue, il faut du dynamisme, etc. Bon, et là il est complètement abasourdi quand il lit ça en fait, et il est vrai que c'est abasourdissant quoi, que c'est un truc complètement incroyable à rebours. Moi j'en reviens toujours pas, hein. Quand vous lisez à rebours, je vous assure c'est un choc. Hein. C'est un truc de dingue, quoi. Réponse de Huysmans. Votre lettre, mon cher Zola, est bourrée de choses justes. Ça, c'est incontestable. Ce que vous me dites, je me le suis personnellement dit en écrivant ce difficile livre où volontairement je m'émasculais de dialogue et consentais à une fatale monotonie. La vérité, c'est qu'étant donné le sujet, je n'ai pas pu arriver à le faire autrement, en dépit des obligatoires incohérences qui l'amenaient. J'ai été dans cette affaire la victime de la précision. C'est vrai, il aurait fallu mettre ce bouquin-là complètement dans le rêve et ne pas rester attaché par un fil au sol. De là des confusions, des ballottages inévitables. Oui, vous avez vu juste, profondément juste. Malgré la bâtisse singulièrement tricotée des chapitres, des vis rédhibitoires sortent. Ainsi, les deux chapitres de littérature moderne, séparés par un hors-d'œuvre pas bon, dont vous avez eu l'indulgence de ne pas parler, sont bien trop rapprochés. Ils tamponnent malgré le capiton. Mais je ne pouvais les agencer d'une façon autre. Je me suis gêné tout le long du livre à vouloir être parfaitement exact. J'ai pas à pas suivi les livres de Bouchu et d'Axenfeld sur la névrose. Je n'ai pas osé intervertir les phases de la maladie, déplacer les accidents, alors qu'elles eussent mieux fait entre d'autres chapitres, qu'elles eussent assourdi et éloigné. Je me suis interdit avec ce système toute progression des faits. J'avais donné avec les latins et Gustave Moreau toute l'acuité, je ne pouvais plus que soutenir la note. Je le savais, j'ai tenté ce saut périlleux qui m'a séduit, malgré toutes les chances où j'étais de me casser les reins. Je passe un petit peu. Au fond, voyez-vous, c'était un livre à ne pas faire, car il était trop difficile. Avec ce flottant personnage, tel que je l'avais conçu, chrétien et pédéraste, impuissant et incrédule. Schopenhaueriste par raison, catholique par fond de terroir. Mais revenant quand même à un Christ, pas même catholique, mais byzantin, et ayant peur de la mort par suite de cette éducation première, exaspérée par la solitude. C'était trop complexe, trop diffus, par la donnée même. Je ne pense pas que la presse donne, car l'article serait trop difficile à faire. Elle ne saura comment prendre cet écheveau de tignasse, faudrait un rude démêloir. Par les lettres que je reçois et les bruits qui me viennent, je perçois une fureur générale. J'ai marché sur les corps de tout le monde. Les catholiques sont exaspérés, les autres m'accusent d'être un clérical déguisé. Mais je ne suis rien, saperlotte. Les romantiques sont outrés des attaques à Hugo, à Gautier, à Lecomte de Lisle. Les naturalistes de la haine moderne du livre. Au fond, dans les sceptiques, point l'idée d'une immense mystification, ce qui se rapproche de la vérité plus, je crois. En somme, j'avais un volume de Tocade dans la tête, je l'ai lâché, c'est fini. Ah que oui, ça m'a pris trop de temps et trop exaspéré ma personnelle névrose. Je me suis remis au travail et fini une grande nouvelle, simple et calme, et etc. Hein, je vois que vous bûchez de votre côté, ferme. Merci, mon cher Zola, votre bonne lettre. Ne m'oubliez pas auprès de Madame Zola. Et recevez-la mon affectueuse poignée de main. Ça finit toujours pareil, hein, mon affectueuse poignée de main. Bon, encore une fois, hein, je trouve assez vivante cette correspondance. Et avec un certain masochisme ironique en même temps, Huysmans dit « j'aurais mieux fait pas faire ce bouquin ». Il a tort, car c'est son chef-d'œuvre. Au fond, l'idée, je crois, c'est qu'il faut toujours persévérer dans son vice. Enfin, en termes littéraires, je dirais, il faut faire ce qu'on sait faire et aller le faire à fond, quoi. Il n'est pas bon, évidemment, s'il est bon quand il fait il est moins bon quand il fait du Sous-Zola. C'est pas mal, mais c'est pas. Si il faut lire du Huysmans, à mon avis, c'est à rebours, parce que c'est là qu'il donne toute la mesure de sa folie, en quelque sorte. Je ne vous cache pas, par exemple, en tant qu'écrivain, que j'ai du mal à écrire un livre après avoir écrit Intérieur. Je ne sais pas ce que je vais pouvoir décrire maintenant. J'ai décrit mon quartier, j'ai décrit mon appartement. Bon, j'ai le projet de décrire mon ordinateur, mais bon, on verra. Donc, en fait, surtout, je voudrais, comme dit Huysmans, ouvrir les fenêtres et faire autre chose. Donc, j'écris de la poésie. Ça n'a rien à voir. Bon, dernier Huysmans, c'est après avoir écrit ce truc de dingue qui est à rebours, voici ce qu'écrit Huysmans en 1904, c'est-à-dire 20 ans après à rebours. Il revient encore sur ce qui a été la grande affaire de sa vie, c'est-à-dire ce livre très mal reçu, qui a fait scandale, voyez, hein, par son côté tellement, tellement artificiel. À la fin de la préface, écrite 20 ans après, il écrit ceci. « Dans ce tohu-bohu, un seul écrivain vit clair, Jules Barbet d'Aurevilly, qui ne me connaissait nullement d'ailleurs, dans un article du Constitutionnel portant la date du 28 juillet 1884 et qui a été recueilli dans son volume Le roman contemporain, paru en 1902, il écrivit « Après un tel livre, à rebours, il ne reste plus à l'auteur qu'à choisir entre la bouche d'un pistolet ou les pieds de la croix. » C'est fait. C'est fait, c'est-à-dire qu'après, à rebours, le troisième Huysmans va apparaître, l'homme qui cherche un salut dans la vie et qui va évidemment se tourner vers Dieu. Le troisième Huysmans, c'est le converti, hein, celui qui va finalement chercher un salut personnel. Il est allé tellement loin dans à rebours, tellement loin dans le nihilisme, au fond, dans l'étouffement, dans la névrose, dans l'impuissance, dans le dandisme, on pourrait dire, que comme un certain nombre d'ailleurs de dandys, eh bien, il va raconter dans les livres suivants sa conversion, qui sera d'ailleurs une conversion méthodique mais progressive, hein, qui sera une conversion assez lente, qui va passer d'ailleurs par des choses tout à fait non catholiques, si je puis dire, qui est notamment le satanisme, qui va écrire dans Là-bas, par exemple, qui est un roman qui va être très attiré par les histoires d'occultisme, mysticisme secondaire, etc. Et au fur et à mesure, hein, de son évolution, va vers celle d'un romancier catholique. Et il va décrire ça dans les dernières œuvres, et notamment le grand roman de sa conversion, c'est En route, hein, ce qui est un très beau livre, d'ailleurs. C'est un très beau sujet, là aussi, évidemment, la conversion à la foi est évidemment quelque chose de très beau. Hein, et En route, hein, commence, comme ça, le chapitre 2 commence, hein, comment était-il redevenu catholique? Alors, il parle d'un personnage qui est son fameux Durtal. Hein, comment était-il redevenu catholique? Comment en était-il arrivé là? Hein, et toute l'histoire de En route est une sorte d'hommage, sans doute à la dimension esthétique de la religion. Il est certain que Huysmans aime le catholicisme, en grande partie grâce à la puissance de son art, hein, l'art religieux, qui est évidemment tout à fait splendide. Mais c'est une conversion qui est quand même assez lente, hein, qui est complexe, car il n'était vraiment pas fait pour cela, en quelque sorte, bien que les derniers romans manifestent un très net penchant vers la foi. Et ces dernières œuvres sont assez intéressantes, parce que il y a justement une sorte de recherche de l'authenticité. Au fond, Huysmans, hein, je pourrais conclure peut-être de cette manière, c'est que Huysmans est un homme qui est très humain, au sens où, c'est ce qui m'intéresse chez lui, au sens où c'est un homme qui, il est humain au sens où il s'ennuie, je pense. Voilà. Et donc, c'est bien que le thème de l'ennui a quand même donné des grands chefs-d'œuvre, ne serait-ce que Madame Bovary, qui, après tout, c'est une femme qui s'ennuie, ou même, d'une certaine manière, La recherche du temps perdu. D'une certaine façon, le narrateur est un personnage qui s'ennuie quelque part. Et je pense que ce thème de l'ennui ne peut que nous parler à tous d'une manière ou d'une autre, ou chez Baudelaire aussi, évidemment. Mais cet ennui, c'est-à-dire au fond du sens de l'existence, et on voit bien comment Huysmans cherche un sens à son existence, et qu'il va trouver progressivement dans la foi catholique, mais après un passage, il va passer de la religion, de l'art, finalement, à l'art de la religion, en un sens. Hein, il va évoluer de cette manière. Et cette question de la conversion, elle me semble... Elle m'est complètement étrangère, personnellement. Bon, enfin, rendez-vous dans 20 ans, vous me direz. Peut-être que dans 20 ans, ce sera un autre homme qui vous parlera. Mais elle m'est complètement étrangère, mais évidemment, je peux la comprendre intellectuellement. Je peux même l'apprécier, en un sens. Mon père était très croyant, par exemple. Elle ne me semble pas du tout démodée ou désuète, évidemment. Hein, au sens où le 21e siècle, comme l'avait bien compris Malraux, sera religieux ou ne sera pas. Et nous y sommes. Au sens où il y a évidemment des questions religieuses qui agitent notre monde, non seulement notre beau pays, mais évidemment à l'échelle mondiale. Sauf que ce n'est pas la religion que l'on croyait. C'est ça qui est intéressant, ironiquement. Évidemment, celui qui s'en est emparé, c'est l'écrivain français le plus populaire, Michel Houellebecq, dans son dernier livre, Soumission, dont le personnage principal est, comme par hasard, un spécialiste de Joris Carl Huysmans. Et dans le livre de Houellebecq, il met en scène finalement un universitaire un peu perdu qui, spécialiste de Huysmans, finit par s'ennuyer dans la vie un petit peu parce que les professeurs, au bout d'un certain temps, en ont marre de répéter toujours les mêmes choses. Il y a une certaine usure dans le métier, enfin dans tout métier, etc. Et donc, Soumission raconte bien sûr l'histoire de cet homme qui se convertit, mais d'une certaine façon pense que peut-être le salut ne vient pas de la religion catholique, mais de la religion musulmane. D'où évidemment énorme scandale houellebecquien, mais qui touche quelque chose qui est très certainement absurde d'un point de vue logique, au sens où, mais assez juste d'un point de vue fantasmatique. Et c'est là évidemment que Houellebecq m'intéresse. Bon, ce qui m'intéresse aussi à travers Huysmans, hein, c'est sa récupération peut-être très actuelle hein, dans un roman comme Soumission, mais je préfère de loin Huysmans à Houellebecq, cela dit, parce que l'écriture est quand même pas tout à fait la même. Je vous remercie. Thank you.